Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la deux chevaux de Citroën, une voiture mythique. Comment se fait-il que cette bagnole soit devenue autre chose qu'une voiture, finalement? C'est un peu comme un animal, comme un... Ah oui. Mais les petits-enfants de 3 ans sont attirés par cette voiture. C'est extraordinaire. Elle a une bouille extraordinaire. Elle a une tronche formidable. Extrait de l'émission Direct Auto du 31 janvier 2019 consacrée à la célèbre deux chevaux de Citroën. C'est vrai qu'elle avait toute une tronche, cette désormais mythique deux chevaux, et cette voiture, qui a fait partie de la vie des Français pendant plus de 40 ans, est devenue au fil du temps le symbole d'une certaine France, justement. Il est bien trouvé. Le sous-titre de l'ouvrage que Jacques Wolgensinger consacre à la deux chevaux Citroën dans la collection Découverte chez Gallimard. Nous nous sommes tant aimés. Et c'est tellement vrai. La deux chevaux, c'est bien davantage qu'une voiture. C'est un mythe, un état d'esprit, un fait de civilisation. À l'instar de la tour Eiffel, elle se situe au-delà du beau et du laid. Elle se contente d'être, d'apparaître, de nous séduire, de nous sourire presque. Elle prend forme dans les cerveaux féconds de messieurs Pierre Boulanger, André Lefebvre et Flaminio Bertoni dans les années qui précèdent la guerre, au moment où naît en Italie la Fiat 500 Topolino et en Allemagne la coccinelle de Volkswagen. Il ne faudra pas moins de 49 prototypes pour qu'au salon de l'automobile 1948, elle stupéfie le 1 300 000 visiteurs venus la contempler. 40 années de production, 7 millions de véhicules de la gamme vendus, un triomphe inespéré pour cette voiture, originellement destinée au monde rural. Pour succéder, c'est écrit en toutes lettres dans la première brochure publicitaire à la carriole à cheval. La deux chevaux est devenue, et c'est très rare, l'automobile de tout le monde, étudiants et aventuriers, hommes politiques et curés de campagne. Débrouillarde et spirituelle, économe et inusable, la deux chevaux, c'est la France. Olivier Barrault et sa capsule du 30 décembre 1995 d'Un livre un jour. Pour nous raconter l'histoire de la célèbre deux chevaux de Citroën, je reçois l'historien Éric Dussault, qui est également tuteur à la TELUC. Éric Dussault, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, on vient de l'entendre dans cet extrait, Éric Dussault, cette fameuse deux chevaux de Citroën, c'est beaucoup plus qu'une simple voiture. Qu'est-ce qu'elle représente, cette voiture-là, cette deux chevaux, pour les Français, Éric? Bien, c'est un extrait extraordinaire qu'on vient d'entendre. Tout est là, en fait. Hein? C'est vraiment une icône de la France. Certains disent qu'il y a la baguette, il y a la tour Eiffel et il y a la deux chevaux de Citroën. Et c'est vrai, une icône, aussi un art de vivre, parce qu'avec une voiture qui, au départ, roulait à 60 km/h, on est obligé d'aller lentement. C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, la France de ce qu'on appelle le Front populaire. Donc, en 1936, la gauche est au pouvoir. Et après la Première Guerre mondiale, évidemment, on rêve de renaissance, de nouveauté. Et puis, cette voiture-là incarne cette période particulière de l'histoire de France. On parle des congés payés, on parle de la semaine de 40 heures. Donc, tout ça, ça entoure, ça contextualise un peu l'arrivée de cette voiture qui fait partie de la vie des Français depuis plus de 40 ans. C'est vraiment ça qui est important à se rappeler. Ça fait partie de l'histoire de France. Elle est intimement liée à la façon dont ce peuple-là, dont ce pays et cette nation vont évoluer. Parlons de la voiture comme telle. Évidemment, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, Éric Dussault, qui savent très, très bien de quoi on parle, qui la voient là, en nous entendant parler de la deux chevaux. Ils en ont une dans leur tête. Il y en a d'autres, peut-être, qu'ils ne savent pas du tout de quoi on parle, parce que quand même, ça fait quelques décennies qu'on ne la produit plus. Comment la décrire, cette deux chevaux? À quoi elle ressemble? Alors, dans le premier modèle, elle a la couleur qu'on appelle souris grise, donc très grise. Elle est en tôle, elle est ronde, elle n'a pas de toit, elle a une bâche. Au départ, elle n'a qu'un feu pour éclairer la route. Elle est brinque-ballante. Et surtout, elle a une suspension extraordinaire. On va en reparler, j'imagine, mais on peut peut-être référer au cinéma pour avoir une idée plus précise. En 1981, dans le célèbre James Bond, dans lequel on aperçoit Carole Bouquet, qui s'appelle « Rien que pour vos yeux », on peut voir la deux chevaux. À ce moment-là, ça lui donne une renommée internationale, évidemment, puisque James Bond est une vedette internationale. Il y a François Truffaut qui va l'utiliser aussi pour tourner son film « Les 400 coups » et aussi l'autre film, La peau douce, Pourquoi? Parce que je l'ai dit, il y a une capote amovible et ça permet donc au cinéaste de faire son travail et la suspension exceptionnelle d'avoir des plans stables lorsqu'on fait des travelling. Il y a aussi les triplettes de Belleville qui l'ont intégré, mais surtout le Cornio de 1965, un film de Gérard Houry avec Louis de Funès et aussi Bourville, où il y a une réplique après un accident de deux chevaux dont il ne reste plus rien finalement après coup parce que la deux chevaux, ce sont 12 morceaux assemblés et ça fait une voiture. Ouais. Et puis, on peut peut-être parler de la bande dessinée. Il y a aussi l'affaire Tournesol de Hergé qui l'a intégrée. Et il y a des jouets dans les années 60 qui incarnent la deux chevaux. Elle est une vedette de la société mécano. On en vend des millions d'exemplaires. Alors tout ça, ça contribue à la rendre célèbre et ça démontre l'attachement qu'on a pour cette voiture. Alors, la naissance de la voiture, vous nous en avez un petit peu parlé, c'est pour ce qui est de la France, la présence du Front populaire, les avantages qui commencent à s'inscrire dans la vie des ouvriers, congés payés, etc. Et puis cette volonté, en France, mais ailleurs aussi en Europe, d'offrir aux gagne-petits une voiture accessible. Vous avez raison, Jacques, ce n'est pas un phénomène français. Il y a des pressions un peu partout en Europe pour avoir une voiture économique destinée à monsieur, madame, tout le monde, si on peut dire. Le phénomène est donc européen. On peut penser à Fiat, par exemple, qui a créé sa célèbre Topolino en 1936. Et surtout, la coccinelle de Ferdinand Porsche de Volkswagen, donc la voiture du peuple, hein, comme on le dit, Volkswagen, donc la voiture du peuple dont les nazis rêvaient. D'ailleurs, son histoire se rapproche un peu de celle du sujet d'aujourd'hui de la deux chevaux, puisque conçue en 1939, mais mise en marché en 1945. Donc, c'est vraiment européen comme phénomène. Oui. Il y a un nom qui est indissociable à la création de cette voiture-là, c'est celui de Pierre-Jules Boulanger. C'est un peu le père de la deux chevaux. Il faut dire que dès le départ, et c'est ce qui est intéressant, entre autres, il a, lui, une idée très, très précise de ce que doit être cette voiture-là. La vision qu'il s'en fait, d'ailleurs, très, très clairement exprimée dans le cahier des charges de la deux chevaux, comme en témoigne ce reportage qu'on écoute, diffusé au journal télévisé de France 2 le 7 octobre 1998 à l'occasion du 50e anniversaire de la deux chevaux. Non, le cahier des charges, c'était 60 à l'heure. Au début. Elle était conçue pour emmener 4 personnes à 60 à l'heure. Voilà. Et puis celle-là, elle roule à 80-90, et les derniers modèles, on arrive à faire des pointes à 120 à l'heure. Ah, quand même. Ah oui. 120 à l'heure. 120 à l'heure, Le vent dans le dos, hein. Pour les amateurs de deux pattes, la vitesse n'est pas un argument. D'ailleurs, à l'époque de la conception, chez Citroën, le mot d'ordre était clair, soyez sordidement économe. Et oui, le plus de cette auto, ce sont ses moins. Elle n'a qu'un œil, enfin, qu'un phare. Et seulement une manivelle pour la mettre en route. Vous l'avez reconnu, c'est la deux chevaux. Plutôt l'ancêtre de la deux chevaux. Le prototype prêt pour le salon 1939. Alain Glatigny, qui a le même âge que ce formidable moulin à légumes, a acheté sa première Deutsch en 68. Depuis, il les collectionne. Pourquoi vous êtes tombé amoureux de cette bagnole ? Ça s'explique pas. Question d'ambiance, de rythme. À propos de rythme, entre 49 et 50, les cadences de production commencent à swinguer et passent de 5 à 1000 véhicules par jour. Ça marche et c'est logique, puisque tout a été fait pour séduire une clientèle qui est encore essentiellement rurale. À la campagne, l'engin est idéal. Pratique et confortable. Elle doit, dit son cahier des charges, pouvoir transporter un panier d'œufs à travers champs sans les casser. Ça, c'est un argument de vente. Elle peut le faire. Alors, cette vision qu'a le père de la deux chevaux, Pierre-Jules Boulanger, on en a une très, très bonne idée en écoutant l'extrait qu'on vient d'entendre, Éric Dussault. Un petit mot sur le bonhomme. D'abord, qui est-il, Pierre-Jules Boulanger, et qu'est-ce qu'il a en tête, justement, quand il décide de créer cette deux chevaux? Vous avez raison, Jacques, de revenir à l'histoire de M. Boulanger parce que c'est important pour comprendre l'importance de la deux chevaux et le contexte dans lequel elle est apparue. En fait, c'est que la compagnie Citroën a fait faillite et elle a été reprise par la compagnie Michelin en 1935. En plus de cette mauvaise nouvelle de la faillite, il y a Pierre Michelin qui décède lors d'un accident en 1937. Et c'est là que M. Boulanger devient le directeur de Michelin et c'est là aussi qu'il... concentre le pouvoir entre ses mains et en fait une affaire personnelle que cette histoire de la deux chevaux. Et d'ailleurs, il va parler de quatre roues sous un parapluie ou d'une chaise longue sous un parapluie. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est une voiture qui n'a pas de toit, qui a une bâche. Et elle est donc directement, quand la pluie tombe, ben, on l'entend tomber sur cette bâche-là. Donc, c'est un peu les appellations qu'on utilise pour décrire les premiers prototypes de la deux chevaux. Oui. Et on entendait tout à l'heure le cahier des charges, le fait que la suspension doit être suffisamment stable pour qu'on puisse transporter des œufs sans qu'ils cassent. Mais en fait, il y avait aussi la question de la durabilité. Il fallait que 50 000 km soient parcourus sans qu'on ait à remplacer aucune pièce. Il fallait que ce soit un moyen de transport pratique pour transporter 4 personnes, mais aussi 50 kg de bagages. Et surtout que les dépenses liées à la voiture soient raisonnables pour le budget d'un ouvrier moyen. Et surtout, on l'a entendu qu'elle roule à 60 km/h, donc pas trop vite, grâce à un moteur de 375 cm3. Évidemment, l'économie, c'est le maître mot. Pas cher à l'achat, pas cher pour son utilisation, pour son entretien, et avec des solutions souvent radicales et avant-gardistes pour que ce véhicule-là fonctionne sur la longue durée et de façon efficace. Oui. On reste un petit moment sur le père de la deux chevaux, Pierre-Jules Boulanger, parce que ça vaut le détour. D'abord, il est étroitement associé à la création, à la naissance de cette voiture-là. Puis c'est un homme, Éric Dussault, qui souffre de certaines contradictions. D'une part, puis vous allez m'éclairer là-dessus, parce que vraiment, ça paraît un peu paradoxal. Cet homme-là qui décide, on l'a dit, c'est un mouvement européen, mais quand même, de créer une voiture populaire, une voiture qui soit accessible à ceux qui ont peu d'argent, qui ont peu de moyens. C'est en même temps l'archétype du grand capitaliste pur et dur, très insensible. Tout à fait. On le décrit souvent comme quelqu'un d'assez tyrannique, mais on l'a dit tout à l'heure, la compagnie Citroën a fait faillite en 1935. Probablement que ça a eu un impact sur son attitude de gestionnaire. C'est pour ça qu'il y a des licenciements massifs sous son règne. Il y a aussi une baisse des salaires très importante. Les coûts de fabrication sont limités vraiment au minimum. Il y a une réduction des stocks, il y a des compressions de dépenses, même jusque dans la publicité. On va diminuer la taille des succursales. Bref, c'est le règne de l'austérité. Et en plus, donc, il concentre énormément de pouvoir entre ses mains, à tel point que la deux chevaux va être modifiée dans son apparence et dans certains outils de bord après le décès de M. Boulanger. C'est vous dire combien il est tyrannique et oui, aussi que le pouvoir entre ses mains est très, très, très important. L'accouchement de la deux chevaux, c'est une histoire en soi. Il va être très, très long, cet accouchement-là. Premier prototype testé vers le milieu des années 30. Une voiture qui est finalement mise en vente à la fin des années 40. C'est très, très long. Pourquoi une si longue gestation? La réponse, elle est toute simple. C'est la Seconde Guerre mondiale. En fait, avant la Seconde Guerre mondiale, donc en 1938, on l'a entendu tout à l'heure dans un extrait sonore, il y avait déjà 49 prototypes de la TPV, la toute petite voiture ou la très petite voiture, comme on l'appelait à l'époque. Et on fait des études, on fait des essais étalés sur un certain temps. Et en plus, on s'est procuré un domaine de 850 hectares en banlieue parisienne. Et c'est là qu'on fait des essais à l'abri des regards. Et c'est surtout le travail sur les suspensions qui est important à ce moment-là. Et puis là, ben, les nazis remportent la Deuxième Guerre mondiale en 1940 contre les Français. Et même sous occupation allemande, on va continuer de façon secrète à améliorer la fiabilité de la deux chevaux. Ça veut donc dire que ça a été bénéfique en quelque sorte, parce que le véhicule n'était pas vraiment prêt en 1938-39. Comme on l'avait prévu au départ. Il faut attendre 1948 au Salon de l'Auto de Paris pour voir pour la première fois cette deux chevaux-là. Et comme on l'a entendu tout à l'heure aussi, il y avait plus d'un million de personnes qui se sont extasiées devant ce véhicule-là, qui étaient tout à fait étonnés et heureux de voir enfin un véhicule populaire destiné à la France et aussi à l'étranger. Donc, c'est en 1948 que les Français découvrent cette voiture-là, et ça va être un succès immense d'ailleurs. Elle est accueillie comment, la voiture, et comment s'explique le succès immense qu'elle aura? En fait, il y a ceux qui l'aiment beaucoup, et il y a ceux qui ne l'aiment pas du tout, qui vont l'appeler le vilain petit canard, qui la trouvent très laide, qui en voudrait pour rien au monde, qui l'appellent la bicyclette à quatre places, la tondeuse à bitume, mais peut-être ce que je préfère, c'est la boîte à sardines, puisqu'évidemment, lorsqu'on ramène la capote vers l'arrière et qu'on a un toit ouvrant là, au-dessus de notre tête, effectivement, elle peut ressembler à une boîte de sardines. Ouais. Donc, au départ, elle ne fait pas l'unanimité. Mais M. Boulanger, il ne se préoccupait pas de l'esthétique. Ce qu'il voulait, c'est que ce soit un véhicule utilitaire. Elle est produite à partir de juillet 1949 à 6 véhicules par jour. Et puis, on l'a entendu tout à l'heure, ça va augmenter considérablement au fil du temps. Lorsqu'on va atteindre le pic, là, au début des années 60, il y aura 200 000 véhicules produits par année. C'est dire l'importance que ça a pour l'usine, mais aussi pour la population française qui souhaite s'en procurer une assez rapidement, mais qui, malheureusement, au milieu des années 50, doit attendre jusqu'à 3 ans avant de pouvoir mettre la main sur sa 2 chevaux. Pourquoi? Parce que la production se fait en quantité assez limitée, il y a une faible cadence. Résultat, ben, il y a une file d'attente importante. Et en plus, on va créer un modèle fourgonnette de la 2 chevaux qui va être présenté au Salon de l'Auto en 1950, qui va, elle aussi, être très populaire, qui va être utilisée, entre autres, par les postes, télégraphes et téléphones, ce qu'on appelle les PTT. Et là, encore là, les files d'attente vont s'allonger puisque la popularité est sans précédent pour un véhicule comme celui-là. Puis évidemment, ce véhicule qui sera produit, on le rappelle, pendant 4 décennies, 40 ans, à accompagner les Français dans leur vie, le véhicule va évoluer, va essayer de se mettre au goût du jour. Décrivez-nous un petit peu la courbe que ça va prendre, l'évolution de la 2 chevaux au fil du temps, Éric Dussault. En fait, le modèle de base va toujours rester là, si on peut dire. Ce qu'il va y avoir, c'est régulièrement des améliorations, puis des nouveaux modèles, mais c'est surtout dans les teintes de couleurs. On va changer les roues. Auparavant, on avait ce qu'on avait des portes suicides jusqu'en 1964 qu'on va modifier pour que les portes ouvrent dans le bon sens. Ce sont là des petites modifications esthétiques qui, au fil du temps, rajoutent un petit quelque chose de sympathique, surtout dans les années 60 où les couleurs vives sont à la mode. Mais ce qui m'apparaît particulièrement fondamental pour lui donner une seconde vie à la 2 chevaux, c'est vraiment l'augmentation de la vitesse dans les années 70. On l'a entendu tout à l'heure dans un extrait aussi, on peut atteindre jusqu'à 115 km/h et ça, bien évidemment, pour certaines personnes, ça ajoute à son intérêt. Mm-hmm. Et puis, il y a des modèles qui ont marqué un peu l'histoire, la Diane, l'Acadiane, la Méhari, la Mi 6, la 8, la Mi Super, autant de déclinaisons de la 2 chevaux et certaines déclinaisons ne vont pas survivre au modèle original qui, lui, va être produit jusqu'à la fin de sa vie courante en 1990. Et pourquoi, en 90, on décide de cesser la production de la 2 chevaux? Bien, en fait, elle a été produite jusqu'en 1988 en France, à Levallois, en banlieue parisienne. On a fermé cette usine-là pour délocaliser la production au Portugal pendant 2 ans. C'est la Charleston, un modèle de la 2 chevaux qui est produite pendant 2 ans. Et après coup, on ferme en 90 l'usine du Portugal aussi parce qu'elle ne respecte pas les nouveaux standards de normes anti-pollution et aussi les tests d'accidents qui, finalement, ne sont pas concluants pour la 2 chevaux, évidemment, compte tenu de sa structure pas très rigide. Le klaxon est rarement d'origine. C'est au bruit du moteur qu'on la reconnaît les yeux fermés, la 2 chevaux. 4 roues, 4 boutons, 1 volant et en avant. Un son, pas de voyant, ça, c'est le clignotant. Il y a 0 électronique sur la voiture, donc c'est quelque chose, ça tombe très rarement en panne, et quand ça tombe en panne, on arrive toujours, quoi qu'il arrive, à se dépanner avec très peu d'outils. Max Lorenzi a passé 18 mois à restaurer sa 2 chevaux, alors qu'importe la pluie, aujourd'hui elle est de sortie. Elle a rejoint 300 autres véhicules à Grasse pour la 21e route d'or, le thème de l'édition 2018, c'est la BD. Voici donc Obélix et sa Charleston inversée. Ouais, je me suis fait arnaquer, on m'a refilé une 2 chevaux avec le volant à droite. Donc, en fait, c'est une 2 chevaux anglaise. Voilà, mais il y en a eu très peu de produits pour l'Angleterre. Et j'ai récupéré un état d'épave et on l'a refait à neuf complètement. Au volant ici, Milou. Et dans le siège passager, une copine à poil. La voiture de Tintin. C'est une AMI 8 de 1968 que j'ai ramenée de Paris, qui roule par la RN7. Il y a le Milou qui sort. Ça, c'est une plage arrière. C'est très recherché par les collectionneurs. Pourquoi? Parce que c'est une option à l'époque, une option qui coûtait assez cher. Il y a donc eu des 2 chevaux anglais, je note, c'est ce que nous apprend ce reportage, diffusé à France 3 Provence Alpes-Côte d'Azur en février 2018, à l'occasion d'un rassemblement de 2 chevaux à Grasse. Et ça nous permet, ce reportage-là, Éric Dussault, de parler de ce qu'est aujourd'hui devenu cette mythique 2 chevaux de Citroën, parce que des rassemblements comme celui de Grasse, il y en a beaucoup. Oui, bien en fait, il y a 7 millions au total de 2 chevaux qui ont été produites, incluant les différentes déclinaisons. Et vous l'avez dit, elle a été produite en Angleterre, mais dans 16 autres pays. Donc, évidemment, il y en a un petit peu partout. Et oui, elle fait l'objet d'une nostalgie touchante, émouvante. Il y a des collectionneurs, il y a des clubs, il y a des gens qui en font la restauration, qui font de la refabrication de deux chevaux. Elle a aussi ses revues spécialisées, ses boutiques. Donc, ça, c'est un aspect important. La nostalgie. Il y a aussi le tourisme, parce que faire du tourisme en France actuellement avec la deux chevaux, ça permet d'aller, surtout si c'est un modèle près des débuts, donc à 60 km/h, je le disais tout à l'heure, d'aller tranquillement, tout doucement, et de faire la tournée des villages français et de profiter du patrimoine et de la gastronomie. Et puis, peut-être parler de l'avenir de la deux chevaux à l'occasion de la COP21 à Paris en 2015. Il y a une Citroën deux chevaux électrique qui a été dévoilée par celui qui actuellement organise des visites guidées à Paris en deux chevaux. Et donc, il y aurait un brevet qui a été déposé et peut-être qu'un jour, on verra de façon plus régulière une deux chevaux électrique se promener dans les rues de Paris et de la France tout entière. Un renouveau possible pour la deux chevaux, histoire qui n'est donc pas terminée. Un petit mot en terminant cette émission, Éric Dussault, sur le caractère politique. Vous le disiez, il y avait ce mouvement en Europe, c'était la volonté de créer des voitures populaires. Il y a eu toutes sortes de choses qui ont été dites et écrites à ce propos-là. En quoi, donc sur ce caractère possiblement politique de la deux chevaux, en quoi la deux chevaux serait-elle politique? Il y a deux visions. La première, c'est que c'est un symbole de la démocratisation de la voiture, de la réconciliation des classes sociales, en quelque sorte. C'est cool, c'est des contracts de se promener en deux chevaux. Ça, c'est le versant positif. Plus négativement, on dirait que c'est au contraire l'esprit condescendant du patronat qui souhaite humilier de manière tout à fait ouverte l'ouvrier. C'est pas compliqué, ils ont pas beaucoup d'argent, ils sont cons, ils savent pas ce qui est beau, on va leur faire un truc à leur mesure. C'est un peu une vision condescendante de la deux chevaux qu'on présente à ce moment-là. La boîte à sardines, ouais. Exactement. Or, on l'a dit déjà dans l'émission, toutes les classes sociales se la sont appropriées. L'homme politique comme la personne qui vit en milieu rural. Finalement, la voiture, elle a remporté son pari, elle plaît à tous et son confort est indéniable et tout le monde est heureux à bord d'une deux chevaux. C'est peut-être ça sa caractéristique principale. Éric Dussault, historien, conférencier et éditeur à la TELUC. Merci beaucoup, Éric. Ça me fait plaisir, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.